C'est la 11e édition des régates de Saint-Félicien et qu'en fin de semaine, et, on doit sûrement être en train de préparer les régates. On en parle avec le président Régent Côté. Salut Régent. Régent, effectivement, j'imagine que là les équipes, est-ce que les équipes ont commencé à arriver? Il y en a quelques-uns qui sont arrivés dans les endroits touristiques, si on veut. J'ai entendu dire qu'il y avait une coupe de bateaux sur le camping Saint-Félicien et puis des choses comme ça là, qu'on entend dire. Il y en a sûrement quelques-uns qui commencent okay. à OK. Est-ce que, le plateau va être encore relevé cette année? Sûrement, là. Les plus relevés que jamais. C'est vraiment une année record de participation par rapport possiblement là à ce qu'on soit avant Valleyfield et puis qu'on n'a pas de bateau brisé puis que les budgets ne sont pas défoncés. Donc, on a une quantité de coureurs qui devrait nous donner un spectacle extraordinaire cette année. Juste au niveau Grand Prix, l'an dernier, on en avait 8. Dans la classe, il y en a 12 au maximum partout au Canada. Ce sont toutes les 12 okay. cette année. Dans l'Hydro 350, il y a une possibilité de 24 bateaux, sont toutes là les 24 cette année. Tout est comme ça dans OK. Est-ce que le fait que c'était à Saint-Jean-Baptiste, ça a été plus facile à amener une équipe? Amener les équipes, amener les inscriptions? Possiblement. Possiblement qu'il y a quelque chose comme ça aussi. Mais comme je disais, d'après moi, plus vouloir aussi venir tester leur bateau, voir si tous les ajustements sont au maximum. Ils savent qu'on a un circuit très rapide et que par la suite, la prochaine course va avoir lieu dans 2 semaines. Effectivement. Donc là, c'est les dernières périodes d'inscription aussi pour... effectivement. Oui. Allez, Régent, comment il va y avoir de classe? Et ça commence samedi, j'imagine? Ça commence samedi matin pour les compétitions, mais vous ne manquez surtout pas vendredi soir notre grande exposition, on appelle ça notre soirée performance, où on retrouve toutes les voitures, les belles d'autrefois, des voitures de performance, des motos modifiées, des camions modifiés, des bateaux. On expose chacune des catégories le plus possible de nos hydrocanes, okay. les régates. Aussi en exposition, on le sait, on a retrouvé le vintage, on peut l'exposer cette année, il va être aussi sur le boulevard vendredi soir. Et on commence le samedi matin avec les courses d'hydroplane aux environs de 11h le samedi, puis aux environs de 10h. OK, donc, parle-moi de la campagne de financement, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de s'en parler. Comment ça a été la campagne de financement avec la Corporation Vélo cette année? La campagne de financement, il a fallu travailler fort un peu, c'est sûr que c'est pas les années les plus faciles, mais on s'en est bien sorti. On a annoncé un 185 $ là. 85 000. Certainement atteint. Oui, 185 000, oui. Et qui devrait être dépassé un peu, on l'espère, ou sinon là, certainement. OK, OK. Régent, on se reparle. Oui. Le samedi soir, c'est une vraie belle grosse soirée. OK. Que les gens sachent, là. Après les courses, il y a un souper dans les rues. Il y a déjà 250 personnes d'inscrites là, réservées avec leur souper. Il y a la possibilité d'acheter sur place là, des soupers de différents restaurateurs. Et puis, pendant le souper, on va avoir animation. Après le souper, on va avoir animation avec des troupes de Zumba, avec de la musique, des musiciens locaux, des choses semblables. Suite à ça, va prendre place vers 9h30, là, un groupe de spectacle qu'on a en soirée. Un spectacle okay. de Lucondry. Et puis, on va inviter les gens, on va arrêter le spectacle après à peu près une trentaine de minutes de production pour les inviter à aller voir le méga feu d'artifice pour la Saint-Jean qui va avoir lieu à partir du milieu de la rivière cette fois de la soirée. Et puis, par la suite, retour au spectacle pour encore 1h30, 2h de musique là, par le groupe de Allison and the Trigger. OK. Hey, Régent, est-ce que ça a été plus facile d'organiser niveau commanditaire, au niveau des équipes, tu me l'as dit en début d'entrevue, ça a été plus facile. Mais le fait que c'est la Saint-Jean-Baptiste, hey, c'est rêvé là, pour vous autres. Là. Oui, on l'avait déjà eu en 2006. Ouais. La première année, on avait fait une démonstration gratuite et puis on ne pouvait pas comparer les différences. On était au tout début. Maintenant, après 11 ans, je peux dire qu'il semble avoir beaucoup plus de mouvement. Peut-être aussi par notre nouveau site Internet qui fait bouger, mais beaucoup d'appels de l'extérieur, les gens de Montréal. Ben, au niveau touristique. Valleyfield, un petit peu partout, qui s'annoncent, qui disent pas, bon, je peux y aller. Ils disent qu'ils s'en viennent, ils veulent avoir des informations pour où être accueillis. Donc, ça l'augure bien, on l'espère. Et puis, ça devrait être un peu un pool test pour savoir qu'est-ce qu'on va faire les années suivantes. Mais on espère être capable de s'arrêter un moment donné à une date fixe qui serait toujours la même. Puis, on est un peu ceux qui lancent la saison touristique. Ben oui. Donc, Est-ce qu'il n'y a pas des repas? Parce que là, tu viens de le dire, on espère grandement avoir une date fixe. Est-ce que vous pourriez avoir tout le temps le 24 juin? Oui, si ça rentre dans nos cordes de violon à nous autres, si on trouve que la place est bonne, on va la fixer là. Et puis, on n'aura pas de contrainte à la redéplacer, à moins de, comme cette année, on le sait, la raison du déplacement était qu'on tombait sur le même week-end que la traversée du lac Saint-Jean. Donc, jamais on ne produira deux événements nautiques en même temps. De cette envergure, ces deux événements internationaux. Bien, déjà, côté, on s'en reparle. On va être là en fin de semaine aux régates samedi, puis on va aller faire un tour. Le président des régates de Saint-Vicien, à côté.